Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire et sur les docks. Aujourd'hui, Marin d'eau douce sur la Marne, un documentaire d'Olivier Chomel réalisé par Isabelle Huel. Au départ de cette série, il y a le plaisir de remonter ou descendre des fleuves, de vivre sur l'eau au rythme de l'eau. Il y a cette joie de traverser un pont, de faire sonner ses pas et d'entendre sa voix répercuter sous les arches. Il y a aussi ces rubans qui traversent nos villes et nos plaines et vont à la mer. Et il y a aussi les amoureux des rives et de la Picardie. Alors pour commencer, les personnages. Un homme des fleuves, un vieux copain, un auteur qui longe la rive, un aventurier du dimanche, un compagnon de marche, un voyageur en péniche face à l'inconnu et un éclusier informatisé. Ensuite le décor. La Marne, une navigation contrainte, une barque qui prend l'eau, du Navarin, de l'Agneau, un peu de camping, l'Aisne, l'Ourcq, la lenteur des îles, des canaux et des canards, des barrages et des méandres. Aujourd'hui, dernier épisode, on se met à l'eau. On a l'habitude de comparer la Marne, Matrona, la mer. Puis le Rhône, c'est un taureau. Enfin, on a toujours besoin de ces métaphores. Ponge a écrit un livre assez intéressant sur une autre rivière, la Seine. Et justement, il a quelques pages où il s'élève là, sur ces comparaisons, là, ces métaphores féminines. Moi, je pense que la Marne est un être androgyne, à la fois femme et homme, à la fois civilisé, sauvage, violent et doux. Normalement, d'ailleurs, la Marne devrait couler... et traverser Paris. Ça, c'est contesté, ça dépend de la façon dont on mesure les débits au confluent. Oui, si on se réfère au débit, c'est Lyon. Si on se réfère à la longueur, incontestablement, c'est la Marne. La Seine est une arnaqueuse. Non, mais c'est vrai. Marin d'eau douce sur la Marne. Olivier Chomel, Isabelle Huel. Frédéric Chef, est-ce que vous vous souvenez des raisons pour lesquelles, en 1991, nous avons tous les deux entrepris ce voyage qui consistait à descendre la Marne à la rame ? Oui, on a été quand même gamins le long de la Marne, dans nos petits patelins à côté de Châlons, qui se trouvait sur Marne à l'époque, alors qu'il est maintenant en Champagne. C'est-à-dire que la Marne est partie ailleurs, on ne sait pas où elle est. C'est la Champagne qui passe maintenant à Châlons. Bon, on avait cette rivière qui passait au milieu des cultures avec ses saules qui la bordaient. Et puis, il y a aussi des bras qu'on appelle la vieille Marne, c'est-à-dire des espèces de rivières en cul-de-sac qui sont couverts de barques qui nous faisaient rêver. Parce que, voilà, on montait dedans, puis on se disait, tiens, ça serait peut-être amusant de se laisser porter par le courant. Je crois qu'on avait l'idée de descendre un jour la Marne au long cours. Ouais. Et on a fini par le faire. Et on a fini par le faire en 1991. De ma maison natale, il y a peu de distance à la Marne. Il faut franchir le canal latéral et le jardin public savamment désordonné qu'on appelle jarre anglais, et on y est. On voit souvent des geais et des martins pêcheurs à cet endroit-là. Nous savions, par nos cours de géographie, que notre rivière descendait des confins de la Bourgogne et rejoignait la Seine près de Paris. Mais en dehors des quelques kilomètres de son cours qui étaient à notre portée, elle nous était à peu près inconnue. Il ne serait venu à l'idée de personne de faire le voyage par la voie d'eau. D'ailleurs, pour naviguer, il faut un bateau. C'est nécessaire et simple. Mais quand on a un bateau, alors on se sent le devoir de naviguer. Avec mon vieux camarade Frédéric Chef, aujourd'hui écrivain, prof de lettres et père de deux garçons, nous avions reçu, cadeau délicieusement empoisonné, un canoë vert à la coque un peu poreuse, mais qui flottait. Il suffisait d'écoper de temps en temps. La descente de la Marne est alors apparue comme une exploration insolite, mais réalisable, à condition d'accepter l'inconfort, une certaine frugalité et la solitude à deux pendant une dizaine de jours. On pourrait être tenté de voir dans le voyage fluvial une liberté absolue. À y regarder de plus près, c'est un peu l'inverse. On est contraint au lit de la rivière sans bifurcation possible. Bifurquer reviendrait à remonter un affluent, ce dont il ne saurait être question. Bien des années plus tard, l'écrivain Jean-Paul Kaufmann et le photographe Gérard Rondeau ont eu des envies similaires qu'ils ont mises en œuvre avec de vrais moyens bien préparés, pas comme notre coquille de noix. On s'était fait offrir par des amis un esquif qu'on avait baptisé, parce qu'il faut toujours baptiser les bateaux sur lesquels on embarque, et je crois qu'il s'appelait Saturnin, si je me souviens bien. Et c'était un canoë en résine, enfin en plastique, qui prenait l'eau de partout, quoi. Et on était très mal équipés. On était très mal équipés. Puis alors, surtout, ce qu'il nous fallait, c'est que... Quand on s'embarque comme ça sur la Marne, il faut quand même une certaine logistique. Si on veut s'autosuffire, on n'a pas tellement le choix. C'est le sac à dos auquel on avait dû penser. Et puis sinon, il faut une espèce de suite, quoi. C'est-à-dire une remorque, hein, ni plus ni moins. Et donc, on avait acheté deux petits canoës pneumatiques. De plage. Donc, attachés avec une corde derrière le canoë, et qui était couvert, ou plutôt rempli, de sacs poubelles étanches, bien fermés, accrochés aux cordes qui en font le tour. C'était pas très efficient, mais je crois que... Ça constituait un convoi assez absurde. Assez absurde, et il me semble quand même que ce qui étonnait les gens, c'était ça, c'était de voir passer, non pas le canoë, parce que tant qu'on est en canoë à deux, les gens se disent, bon, ils font une balade, quoi. C'est des gens qui se promènent pour une heure ou deux. Alors que quand on voit cette espèce de, comment je dirais, cette caravane aquatique qui passe, on se dit, tiens, il y a autre chose, quoi. C'est là que l'aventure commence, d'ailleurs, hein. Moi, je me souviens qu'on faisait pas mal rêver les enfants. On a entendu plusieurs fois, tiens, c'est les éboueurs qui passent. Physiquement, le voyage, vous l'avez fait par tronçon ? Oui, enfin, je l'ai fait, oui, parfois par tronçon. Je l'ai fait aussi... Jean-Paul Kaufmann. Pratiquement d'une seule traite. Quand je dis à quelqu'un, j'ai écrit un livre sur la Marne, évidemment, et je suis obligé toujours de préciser la rivière. Pourquoi on comprendrait quoi d'autre ? Je crois qu'il y a un déni. Il y a un déni français sur la Marne. La Marne, c'est... trop assimilé à la guerre. Dans le roman national, la Marne occupe une place tout à fait particulière. Tous nos ennuis viennent de la Marne. Et il faut relire d'ailleurs la préface de Fernand Braudel, L'identité de la France. Braudel dit à un moment, c'est là qu'il faut attaquer la maison française avec une chance d'en enfoncer la porte, par la Marne. Et en plus de ça, la Marne est proche de la tête, Paris. C'est un cordon ombilical vers l'est. Oui, mais très fragile, très très fragile, et qui subit toujours les excitations extérieures et les tensions intérieures. Il y a une irritabilité là qui passe par cette rivière. Il y a un malaise. Le canoteur, celui qui fait du canoë sur la Marne, ben c'est celui qui est au milieu. Il ne touche à rien. Il est entre ciel et rivière, entre rivière et ciel. Il est entre deux éléments, entre deux terres surtout. Les rivières, c'est finalement des milieux qui sont en marge du cadastre. Puis alors la vision qu'on a, et il suffit que la rivière fasse quelques mètres de large. Il suffit que la Marne est souvent beaucoup plus large, mais avec 5 mètres de largeur, ça suffit. On a déjà une perception qui n'est plus la même. On change d'élément, on change de monde, quoi. On ne fait plus partie des gens qui ont le pied terrestre, quoi. Et de fait, nous sommes de moins en moins navigateurs. On est de moins en moins navigateurs. Et cette aventure qu'on a menée tous les deux, si vous vous souvenez, faisait rire des amis. On nous a affublé du sobriquet de Bouvard et Pécuchet. Ces deux compères, deux fonctionnaires en retraite qui partent à l'aventure. Je lisais dans un livre sur la Marne, on dit que la Marne est canotable sur 458 km. C'est pas 457, c'est pas 459, mais on n'en voit jamais des gens qui font du canoë sur la Marne. Par instant, on peut croiser les gens qui font du ski nautique, mais... Ou de l'aviron. Il y a de l'aviron dans les villes, un peu à Chalon, un peu à Épernay, mais... Ou en banlieue parisienne, quand on arrive du côté de Nogent, ça se fait beaucoup, il y a des clubs d'aviron. Et bon, c'est des portions, puis c'est le côté sportif, hein, là, attention, c'est pas de la rigolade, hein, c'est les gens qui font ça, c'est du sport, ce qu'on ne faisait pas. Notre attelage démarre très en retard, vers 20h, le 8 juillet 1991, pour une expédition nautique de 217 km. Ce lundi soir, vers 11h, c'est-à-dire dans l'obscurité à peu près totale, et très près de notre point de départ, nous accostons un rivage de Matougue, au lieu de l'île que nous visions, située 5 km plus loin. Dîner d'un navarin d'agneau de chez Morena, aux qualités gastronomiques assez douteuses, suivi d'une lampée de vieux mars d'Aï, providentiel, et bientôt quotidien, heureusement. La tente est installée sur un terrain très bosselé, le dos souffre, les côtes aussi, et la nuit est courte. Mardi 9 juillet. Déjeuner un peu avant Condé, sur l'herbe, dans une boucle idyllique de la Marne, cassoulet toulousain, sans intérêt. C'est l'occasion d'attacher mon pantalon à une vieille branche morte, au soleil, pour qu'il sèche, mes baskets hors d'usage également. Attention, pieds nus, de ne pas gambader dans les bouses, ni sur les nombreuses guêpes du secteur. De Condé au premier méandre de Tours, nous croisons 6, peut-être 7 canots pneumatiques, chargés chacun de 6 troufions. Les retardataires ont tous l'air exténués et semblent avoir envie d'en finir là. À Tours, arrêt en amont du pont. Frédéric Chef va ravitailler en eau au cimetière du village. Nous nous apercevons que 200 mètres en aval se trouve un ancien barrage partiellement submergé, qui se présente comme bigrement dangereux. La Marne est très resserrée et saute de près d'un mètre. L'eau s'engouffre en triangle, formant une forte vague, puis une crête de remous impressionnant. Nous décidons, après bien des hésitations et un repérage minutieux, de passer tout de même par l'eau, ce qui nous économisera un transbordement pénible. Nous nous relaxons quelque temps, effectuons quelques mouvements d'assouplissement et partons, les amarres des annexes bien raccourcies. Advienne que pourra, on se lance. De toute façon, une fois qu'on aura passé le pont, plus moyen de revenir au bord, on n'aura plus le choix. Il faudra s'engager dans la chute d'eau. Comme prévu, nous prenons la vague de plein front et sommes intégralement rincés. Le courant est trop fort pour que nous puissions éviter la crête de remous écumant. Nous plongeons donc droit devant, manquons chavirer, puis nous redressons en eau à peu près calme. Les annexes sont là, leur chargement n'a pas bougé. Les quelques spectateurs de l'exploit sont stupéfaits qu'on ait tenté une telle chose, sans s'être auparavant évadé d'une clinique spécialisée. Pourquoi j'ai entrepris ce voyage ? Parce que je voulais, depuis longtemps, écrire sur la France. Alors, de quelle façon ? Et ça m'a paru intéressant de le faire par le biais de cette rivière. Je dois préciser que ce voyage, ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. C'est un ami, Gérard Rondeau, qui est photographe et qui m'a dit un jour, écoute Jean-Paul, est-ce que tu voudrais m'accompagner ? Là, je dois faire un travail sur la Marne. On va partir du boulevard périphérique et on va la remonter jusqu'à sa source à Balem. Et je lui dis, bien sûr, top là. Et chemin faisant, je me suis aperçu que c'était peut-être de cette façon-là que je pouvais parler de la France d'aujourd'hui, par cette rivière. Donc, quelques semaines après, Jean-Paul est très volontaire, donc on a fini par partir, au départ par le canal de l'Ourcq et ensuite par la Marne, et on a fait cette marche jusqu'ici, jusque Chassin. Et ça nous a donné envie de continuer. Moi, je ne pensais absolument pas travailler sur la Marne. Nous avons refait encore deux autres voyages. Et à la fin du deuxième voyage, j'ai d'un seul coup, je me suis dit, c'est trop bien. C'est-à-dire, il faut que je continue, il faut que j'en fasse un peu quelque chose. Il faut que je commence à fréquenter la Marne. Pour moi, l'aventure est... entre Paris et Chassin est aussi importante et aussi passionnante qu'au bout du monde, même si elle est moins démonstrative, pour en dire. Voilà. Ça nécessite la petite vitesse. Ça nécessite une petite vitesse, ça nécessite un rapport physique aux lieux dans lesquels vous êtes. Et le rapport physique, il ne peut se faire qu'à pied. Vous êtes en relation avec les éléments, avec le paysage. Les arbres vous parlent, le ciel, la convergence des coteaux vers la rivière. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, venir de Paris à ici, c'était une découverte. Alors, le faire avec un très bon compagnon comme Jean-Paul Kaufmann, c'était très bien. Et à la fois, oui, c'est une espèce de silence. Ça a été des journées à suivre la rivière ou le canal après, ou sur le chemin entre le canal et le chemin de halage entre le canal et la rivière. Ça a été, en gros, une vingtaine de journées à regarder le ciel aussi. Le bivouac sur une île, c'est la solution idéale. Parce qu'on reste un peu protégé de la berge. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'être dans un environnement qui est entièrement clos. On est déjà sur la rivière et en plus, si on peut être entouré d'eau, bon, c'est Robinson, quoi. Au milieu d'une île, on est tranquille, quoi. Et puis les îles au milieu de la Marne, on ça de vraiment sauvage qu'on y trouve une foule d'arbres. Moi, l'image que j'ai, c'est les bateaux boat people, quoi. Les arbres sont serrés là-dessus. Il y a une île comme ça à Châlons-en-Champagne, tout près de la cathédrale, mais qui regorge d'arbres. Personne n'y va jamais. Et cette île, elle est à 20 mètres de l'écluse de Châlons. Et je crois qu'il y a une barque qui est en acier, là, qui est amarrée dessus. On se demande d'ailleurs comment elle a été amarrée là et ce qu'elle y fait, mais voilà, les îles sur la Marne sont vraiment des mondes qui font rêver. Chacun peut choisir sa Marne. Et je pense pas qu'on puisse dire la même chose de la Garonne ou de la Seine. Quand vous êtes dans la Haute-Marne, qui est, à mon avis, pour moi en tout cas, dans ce voyage, la partie la plus passionnante, de très loin. Pourquoi ? De très très loin. Oh ben, parce que d'abord c'est très méconnu, parce que c'est un département, c'est une région qui se vide, qui est un peu sinistrée, et alors que ça a été la sidérurgie française est née là. Il y a eu une opulence, une richesse dans ce département. Les Français savent pas où se trouve la Haute-Marne. Bon, pour eux, la Haute-Marne, c'est Colombey-les-Deux-Églises, peut-être. Mais c'est-à-dire que la Haute-Marne donne beaucoup, mais ne reçoit rien. Vous voyez, elle donne. Bon, cette eau va partir, hein. Elle ne retient rien. Et d'ailleurs, les gens sont à l'image de cette rivière, c'est-à-dire qu'on est obligé de quitter cette Haute-Marne. On devrait dire d'ailleurs la Champagne méridionale, c'est beaucoup plus poétique. Et la deuxième partie de votre voyage, c'est sur l'eau? Pas tout à fait. La deuxième partie de mon voyage, c'est la Marne en solitaire. Gérard Rondeau. C'est-à-dire qu'à la fin de cette marche à deux jusqu'aux sources, voilà, j'ai décidé cette fois de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fréquenter la Marne. Donc j'y suis retourné à pied, à vélo, en RER, en train, et naturellement on est rattrapé par ces paysages et par sa rivière. C'est-à-dire qu'on, à force de la fréquenter, on finit par l'aimer. C'est toujours comme ça dans la vie. Ça s'est passé dans ce sens-là. Ça s'est passé dans ce sens-là, mais je l'aimais. Pour moi, la Marne, c'est aussi la rivière de mon enfance. Je suis né à Châlons-sur-Marne, qui est devenu Châlons-en-Champagne. J'ai appris à nager dans la Marne à 6-7 ans. Pour moi, la Marne, je l'ai fréquentée jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est-à-dire que les bains de Châlons, mais aussi chaque fois qu'on sortait du collège du lycée, on appelait le petit lycée à l'époque à Chalon, on allait sans arrêt sur les bords de Marne, parce que la Marne, c'est comme le bord de mer, c'est-à-dire c'est assez fascinant, cette eau en mouvement, très lente, paysage immobile, en gros c'est le mouvement et l'immobilité, ça a quelque chose de fascinant. Mercredi 10 juillet. Nous quittons la petite île de Mareuil-sur-Aye à 9h. L'arrêt à Dizy, au point kilométrique zéro, le début de la Marne navigable, est très animé. Deux yachts hollandais à Valence sont sur le point d'écluser. Ensuite devrait passer une péniche de Denain, puis deux yachts flamands montant. Seulement l'écluse automatique ne fonctionne pas, les portes amont refusant de se fermer. Après maints appels, un fonctionnaire arrive en 4L pour intervenir. Les plaisanciers sont débonnaires. Quant au marinier, il remet l'agent à sa place, d'autant que ce dernier a oublié ses outils. « Regardez-le !» s'exclame le marinier. « Il est tellement feignant qu'il n'a pas le courage de s'asseoir. » À noter que pour les écluses de Cumières, Damery et Vendières, les trois premières de la Marne navigable, notre guide de navigation fluviale nous indique « bajoyer incliné », ce qui est très énigmatique. Ça signifie simplement que les parois du bassin de l'écluse ne sont pas verticales. À Cumières, l'écluse est encore manuelle. Et l'éclusier, voyant que nous nous préparons à hisser notre barda sur la rive, nous prend en pitié et nous fait passer. J'apprends laborieusement ce qui sera désormais notre tâche quotidienne. Fermer les portes amont, fermer les vannes, ouvrir les vannes aval, ouvrir les portes. Regagner le canoë par l'échelle glissante. Et nous passons l'écluse d'un petit dénivelé d'un mètre. 200 mètres cubes d'eau lâchés pour deux jeunes extravagants embarqués sur un esquif lamentable. Mieux que mon clocher, près de la clairière, quelle est cette voix familière qui chante, amis approchés, c'est ma rivière, approchée, écoutée. Et je me souviens en tout cas que en ce qui concerne la texture de l'eau, elle était beaucoup plus claire dans le département de l'Aisne. Dans le département de l'Aisne, on voit le fond parfois à 1,50 m, tandis que dans la Marne, elle est plus limoneuse et souvent, effectivement, elle paraît plus... Mais il doit y avoir des poissons s'il y a des pêcheurs. Il y a des pêcheurs, mais c'est ce qu'on en dit. C'est une rivière, il faut le rappeler quand même, c'est la plus longue de France, hein, 525 kilomètres, c'est la plus longue rivière de France. Derrière nos quatre grands fleuves, il y a la Marne et ensuite il y a la Dordogne. Moi j'ai nagé dedans quand j'étais gamin parce que à Chalon sur Marne, il y avait des bains municipaux. Et ça c'est un souvenir assez fort que j'ai parce que l'eau avait une texture qui ne ressemblait pas du tout à la piscine municipale dans laquelle j'avais appris à nager. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait des poissons, il y avait peut-être même à cet endroit, peut-être encore même des écrevisses. Enfin, on est quand même un peu en liberté. Et je crois que tout ça, ça a participé de notre envie de descendre la Marne. Moi, j'ai eu la possibilité, il n'y a pas très longtemps, et c'est un privilège pour moi, de faire en bateau la partie de Vitry-le-François jusqu'à Épernay. Donc, toute cette partie de la Champagne crayeuse. Mais sur la rivière, pas sur la rivière, pas sur le canal, sur la rivière. Mais c'est très, très difficile parce que, d'abord, vous avez des barrages, et puis, vous avez surtout le franchissement des ponts qui est très, très difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que tous ces ponts ont été détruits pendant la guerre et évidemment, les pierres, on ne les a pas relevées. On a reconstruit les ponts. Alors, quand vous passez sous un pont, vous avez une sorte de petit barrage où les bateaux, même s'ils sont à fond plat, ont beaucoup de difficultés à franchir. Et la Marne est relativement petite dans ces endroits-là encore. Oui, enfin, c'est dans cette partie-là, elle méandre beaucoup. Elle est, vous voyez, elle a ce côté. Enfin, on a ces tresses là, vous voyez, ces atterrissements, ces petites îles, et puis ces boucles là qui sont très belle. Et qui sort aussi. Ah oui, alors ça aussi, ça c'est, alors ça c'est magnifique. Et c'était, pour moi, ça a été véritablement, durant ce voyage, une véritable révélation. Parce que là, c'est un monde, à mon avis, absolument inconnu et sauvage. Et vous êtes là, sur une route aquatique qui vraiment a sa vie propre, indépendante, une sorte même de corps étranger. Et vous avez l'impression parfois de vous trouver en Louisiane avec ses bayous, avec ses bras morts en effet, qu'on entretient. C'est très important pour la reproduction des espèces aquatiques, particulièrement les brochets qui ne peuvent faire leurs œufs que dans ces eaux calmes, dans ces bras morts que l'on appelle des noues, N-O-U-E, noues, qui sont ces zones humides qu'il faut absolument préserver. Et là, vous avez quand même, et pourtant cette Marne a été mutilée, rectifiée, domestiquée. C'est vraiment, je veux pas dire que c'est une rivière martyrisée, mais un peu quand même. Quand vous êtes dans la Haute-Marne, vous avez une vallée qui est extrêmement rétrécie et il faut faire passer trois choses. Là, d'abord, il y a la Marne qui est là, il y a le canal latéral, la route et le chemin de fer. Et alors, très souvent, on a dit à la Marne, au toit de là, que... Alors qu'elle était là la première. Elle était là la première, donc on a rectifié son cours de nombreuses fois. T'as la clé de la Marne, Comment ça se fait qu'il y a tant de cochonneries dans les clés? Bah, c'est les gens qui sont tellement propres. Sur les bouteilles qu'ils foutent à l'eau et puis tout ça, quoi. C'est constamment qu'on ramasse des merdes comme ça. Alors, on va les reproches qu'on nous a fait aussi. Oh, c'est facile, vous descendez le courant. Oui, c'est vrai, mais enfin, le courant sur la Marne, il est quand même très faible. Surtout, vu la résistance qu'on opérait sur l'onde, notre progression, je crois, était de 25 km par jour, ce qui n'est pas... Au mieux. Au mieux. Ce qui fait... une vitesse de croisière horaire de 3 km. 3 km heure, c'est pas beaucoup, hein. C'est moins qu'un piéton. C'est moins qu'un piéton. Ouais. Vous vous souvenez que les éclusiers, au bout d'un moment, savaient que deux jeunes dingues avaient entrepris de descendre la Marne jusqu'à Paris et en fait, ils nous attendaient. Et c'est vrai que de savoir qu'il y avait deux zozos qui allaient passer en canoë et qui faisait ça pour le plaisir, comme ça, sans motivation particulière, c'était quand même assez étonnant. Pour eux, ça devait mettre un peu de piment dans la journée, quoi. Ils savaient qu'on allait passer, ils nous attendaient. Je me souviens d'être généralement très sympathique et chaleureux, alors qu'on imagine l'éclusier assez renfermé, taiseux. Souvent, les écluses sont à l'écart des villages. C'est un monde un peu particulier. C'est presque... à peine des gens de la terre, les éclusiers. Oui, eux, c'est des gens qui sont entre deux mondes aussi. C'est des gens qui regardent l'eau, mais qui ont les pieds sur terre ou qui sont confrontés de toute façon à ce milieu liquide, mais qu'ils regardent. Les éclusés pour un canoë et deux petits canots de sauvetage, j'allais dire, qui sont accrochés derrière, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup leur demander. Or, à chaque fois, on nous a accordé cette faveur, on nous a toujours éclusés. Quand c'était dans les horaires. Il y a l'épisode, si vous vous souvenez, d'un 14 juillet, et la navigation ce jour-là fait relâche. On ne travaille pas le 14 juillet. Et nous arrivons, je crois, le soir, fatigués, devant les portes de l'écluse. Et pas très enclin à transborder tout ça. Voilà, parce qu'il faut, remonter le canoë et tout le matériel par l'escalier... le porter à pied, c'est du portage, et puis il faut aller de l'autre côté, redescendre et réinstaller. Enfin, ça prend vite une demi-heure au bas mot pour rien, quoi. Et on a apostrophé l'éclusier qui nous a regardé en nous disant que non, c'était fermé. Et je me souviens qu'il a eu un geste, il a agité les clés comme ça au-dessus de nous pour nous montrer qu'il allait quand même le faire, quoi. Là, les plus en bas, c'est pareil, faut que j'y retourne, elle est en panne. Alors, faut que j'y retourne. Celle de Charlie, ouais. Alors, on est obligé de rester sur place pour faire les bateaux. C'est des vacheries comme ça bloque les portes. Ouais. Ils ne fonctionnent plus après. ça fait des défauts et ça fonctionne plus. C'est une écluse électrique ici. Ouais, ouais. Mais là, vous la faites fonctionner hydraulique. En manuel. C'est hydraulique, ouais, ouais. On a le choix soit en manuel quand elle est en panne, ou alors en automatique. Ça, c'est un ordinateur qui gère tout. Quand c'était les bras, c'est tombé pas en panne. C'est galère. Hein. Oh. Et là, ben, le temps qui s'y met. En espérant qu'il n'y a pas trop de pluie pour les manœuvres de barrage. Et ça, c'est la mort. Troisième époque du voyage de Gérard Rondeau, 45 jours environ, sur un bateau Fraissinet, c'est-à-dire une péniche de commerce ordinaire au gabarit des canaux de la région. Il me manquait une chose après ces deux premières époques, c'était de faire la Marne de l'intérieur. Alors, je n'ai pas eu le courage de la faire comme vous, en canoë. Vous avez bien fait. J'ai bien fait, j'ai évité le naufrage encore une fois, il les mêle deux, ce qui est un lieu que j'aime beaucoup. J'ai passé un accord avec un propriétaire d'une péniche qui bougeait peu, qui s'appelle d'Argile et d'Eau, qui est située à Mareuil-sur-Aille et qui sert plutôt de chambre d'hôte. Et le propriétaire Francis Dumelier, ben voilà, je lui ai dit voilà, j'aimerais qu'on passe un accord. Je vous prends cette péniche avec vous, bien sûr, pendant un mois et demi environ. Et on va aller chercher la Marne à Balême, donc le canal aux sources, et on va la descendre jusque Paris. Donc c'est une péniche Fraissinet, 1914. Le moteur n'était pas de 14, mais c'est quand même une péniche de 1914, ancien modèle, donc 39 mètres de long. Voilà. Donc sur le pont qui était vide, j'ai simplement fait installer deux cadres métalliques. Un cadre, soyons techniques, un cadre de 80 cm de large et un autre de 2 mètres. Ça me permettait simplement de faire passer mes invités derrière le cadre. Il y avait juste l'endroit pour s'asseoir, ils se tenaient au cadre et ils avaient en fond le paysage. Et au milieu du pont, une caméra. Donc une visée qui est perpendiculaire au cours d'eau. C'est une visée perpendiculaire au cours d'eau. C'est comme un très très long travelling et c'est le plus long travelling, c'est 525 km de travelling depuis Balême jusqu'à Paris. Et pendant 45 jours, j'ai des gens qui sont venus et l'entretien durait le temps d'un bief ou de deux biefs. Il y a plus de 200 personnes qui sont montées sur le bateau. Un froid extrêmement piquant. Sur une rivière ou sur le canal, vraiment un vent glacial, très humide, les mains complètement gelées. Céleste. Et céleste. Et aucune de ces personnes, je dis bien aucune de ces personnes, ne s'est plainte. Aucune. Tous les gens qui sont montés avaient quelque chose à dire sur une rivière qui était leur rivière. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte de l'importance de la rivière chez beaucoup de gens, une importance qui a considérablement disparu, parce que une grande partie de ce trajet, du cours de la Marne, beaucoup de villages ou villes tournent le dos maintenant à la rivière. Une femme montée vers la Ferté-sous-Jouarre et qui dit « Mais moi, la rivière, c'est toute ma jeunesse, mon père m'accrochait à une corde et mes bouées, c'était des bûches. » Bon, un agent de l'environnement qui est monté et qui d'un seul coup, on est en train d'avancer, et puis je le vois qui s'arrête de parler, il écoute. Et puis, je lui dis, mais à la fin de ce long silence, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, j'ai entendu 19 cris d'oiseaux. Il me les cite. Je dois vous dire que j'avais choisi l'hiver, alors que tout le monde me l'a déconseillé pour une raison très précise. C'est qu'au printemps, en été, j'aurais eu un rideau de végétation qui m'aurait séparé la rivière de ses coteaux. C'est plus beau. Éventuellement, s'il fait très froid, certains biefs de canal, notamment, peuvent être pris. Mais ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire que d'abord le départ, on a cassé la glace pour partir. Deuxièmement, on a eu de la neige, j'ai même fait un entretien sous la neige, mais la glace n'avait pas assez pris encore. Et donc, ça ne nous a pas immobilisés, mais oui, j'ai pris le risque d'être immobilisé par les glaces. À la fois, j'ai aussi quelqu'un qui me raconte le brise-glace, tout ça. Wilhelm Barents dans le Grand Nord ou Shackleton en Antarctique. Mais exactement, mais c'est... Quand on dit un brise-glace et qu'on est à Saint-Dizier ou à Chaumont, on a envie de sourire, quoi. Jean-Paul Kaufmann. Le peuplier au bord de la Marne, c'est l'ennemi. Parce que Parce que c'est un arbre extrêmement fragile, d'un enracinement très superficiel. Et évidemment, au moindre coup de vent, il tombe à l'eau. Et c'est une source de problèmes. En revanche, alors évidemment, il y a l'aulne et le saule. Et puis alors, toutes ces variétés de saule, moi maintenant, je suis très ferré... dans toutes ces espèces. Non, mais le saule et l'aulne, c'est vraiment capital pour une rivière comme la Marne, parce que le système racinaire permet justement de fortifier, de soutenir ces berges. On dirait, et c'est très beau d'ailleurs, on dirait des chevelures là qui sont au bord de la rivière, et puis il y a toutes ces couleurs... c'est vraiment magnifique. Moi, je pense que, enfin, c'est un des plus beaux voyages que j'ai effectué. Oui, je suis allé au Kerguelen. C'est très beau, les Kerguelen, mais... On peut tenter de rapprocher les différents voyages que vous avez pu faire. Donc, les îles Kerguelen dans l'océan Indien Sud, Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, la Lettonie et la Marne. Là, c'est une sorte de ruban là qui se déroule et qui a sa vie propre et qui est extérieur en quelque sorte au monde qu'elle traverse, cette rivière, parce que elle traverse des villes, des villages, des pays extrêmement différents, encore une fois, et presque étrangère à ce qui l'entoure. Et être dessus nous isole, en fait. Ah oui, totalement. Du monde. C'est ça aussi qui est un sentiment extrêmement rare. Vous avez fait le voyage à quelle époque de l'année ? Je l'ai fait à la mi-octobre. Et tous ces signes sauvages, c'est un monde extraordinaire. Ces îles qui se créent, vous voyez, il suffit d'un atterrissement. Et ensuite, une végétation se greffe sur ce banc de terre, et puis, bon, prolifère. Et puis, peu à peu, là, vous avez, je sais pas, moi, comme à la création du monde, l'apparition du Nil. C'est quand même un privilège de voir une telle chose. Jean-Paul Kaufmann, quelle explication vous donneriez au fait que, quand on est sur la rivière, on soit dans un environnement si différent de la rive qui la borde ou du pont qui la franchit? D'abord, il y a le regard. Quand vous êtes en vélo, en voiture, vous surplombez, vous dominez un peu quand même. Tandis que quand vous êtes sur un bateau plat, là, vous êtes horizontalement, là, je dirais presque vous ne faites qu'un avec cette rivière là. Vous êtes, vous voyez, et vous avez une perception totalement différente des berges, totalement différente des courants. Vous êtes à son niveau, vous voyez tout ce jeu là qui se joue, et vous êtes comme au-dessus d'un aquarium géant. Hein, vous regardez là. Je ne veux pas dire que vous voyez les poissons. Hein, elle est quand même assez trouble, cette marne. Ça dépend. Mais, oui, il y a des endroits, en effet, vous avez tout à fait raison, où l'eau est très claire. Très claire, où on voit les brochets, les perches, oui, se mouvoir. Mais donc, je pense que cette perception-là, horizontale, change totalement le regard. Vous vous souvenez de cette petite voiture qui avait séjourné longtemps dans l'eau, qui avait dû rouler au fond jusqu'à un barrage et qui en avait été extraite? Oui. Elle était recouverte de moule. Oui, ça c'est... Je savais pas qu'il y avait des moules On ne connaît pas le fond des rivières et on ne connaîtra jamais le fond des rivières. Les canaux, on peut les mettre en chômage. La Marne, c'est difficile. Il faudrait concevoir des barrages, faire des espèces de paniers, vider là. Et au fond de la Marne, il y a des choses extraordinaires, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une écluse où il y avait des voitures qui avaient été sorties de l'eau. Alors, des voitures souvent volées qu'on abandonne, hein. Les rivières comme la Marne ont leur fond qui sont lestés comme ça d'objets dangereux pour les péniches, parce que les péniches les écrasent. Enfin, c'est assez difficile. Et ça relevait encore une fois de Jules Verne, de 20 milieux sous les mers. Elle était couverte de moules, de coquillages, on sent qu'elle avait séjourné au fond un paquet de temps, quoi. Et bon, il doit y avoir des tas de choses. On peut imaginer qu'il y a, bon, il y a aussi des cadavres au fond de la Marne. C'est quand même pas rare qu'on récupère des noyés dans les barrages, dans les aiguilles des barrages. Petite parenthèse, je pense que le surréalisme est né au bord de la Marne, puisque André Breton a vécu en 1916 à Saint-Dizier. Il travaillait à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier est au bord de la Marne, sur les berges. Et André Breton était infirmier à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier, où l'on soignait là, tous les soldats qui avaient subi des chocs terribles. Et on essayait de... L'établissement s'appelait d'ailleurs encore Asile d'aliénés. Voilà, et aujourd'hui s'appelle Hôpital André Breton, il faut quand même le souligner. Hein? Et c'est là où il a eu la révélation des écrits de Freud, qui ont été déterminants, l'inconscient et le surréalisme. C'est à Saint-Dizier, donc tout cela c'est joué. Là, j'ai rencontré quelqu'un, un infirmier, qui m'a parlé d'André Breton, qui, dans l'esprit d'André Breton, a fait exécuter aux personnes qui se trouvent dans cet hôpital psychiatrique une fresque que le pape du surréalisme aurait appréciée. Tout le monde a participé à cette fresque. Chacun a porté sa pierre, parce que c'est une mosaïque qui représente précisément la Marne. Ce sont des visions très belles, et puis si vous passez à Dizy, vous êtes obligé, quand vous passez à l'écluse de Dizy, de penser au livre de Simenon, le Chartier de la Providence, puisque Simenon a beaucoup voyagé sur les canaux, donc vous imaginez quelque chose, et si vous êtes un tout petit peu plus loin dans le village de Dizy, ben, vous pensez à Pierre-Louis et ses premiers émois érotiques. On s'aperçoit de tous ces passages entre le présent, cette eau qui coule, et le passé, et ça vous renvoie vers les temps plus anciens. Mais le plus important pour moi, c'est comme dans tous les voyages, c'est pas le but, c'est surtout cette marche, cette quête certainement un peu inutile, cette volonté d'appréhender, de faire le portrait général d'une rivière. À quoi ça sert? À rien, sinon à être source de plaisir, d'intérêt, et la curiosité, c'est quand même un des grands plaisirs de la vie, et on se fait du coup sa propre géographie. On est passé sous le tunnel de Balem, donc sous le village et sous les sources. Ce tunnel est un ouvrage très long, 4,9 km. Ça sépare donc le bassin de la Seine et le bassin de la Saône. Voilà, c'est le bief de partage des eaux du canal de Balem à la sortie du tunnel, avec une grande ligne droite très encaissée, avec juste un virage tout au fond. On avait l'impression d'en être les découvreurs. La végétation était luxuriante, humide, très humide. Moi, ça m'a rappelé vraiment les souvenirs au milieu de la jungle guatémaltèque. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être totalement ailleurs. On a bu le champagne juste en plein milieu du tunnel sous l'église de Balem avec le maire et un de ses adjoints. Pour eux, ce sont des souvenirs formidables. Et on est retourné à Balem le lendemain ou le surlendemain, accueilli par les sources que nous avions découvertes aussi à pied avec Jean-Paul Kaufmann. Ce jour-là aussi, il pleuvait, la végétation était incroyable. On a l'impression que les sources vous appartiennent. Un très gros rocher qui est, on dit même que certaines sectes se réunissent encore là-bas. Quelques légendes sur le Gaulois Sabinus, etc., éponyme. Mais on a l'impression vraiment d'un retour dans le passé. Il se trouve que cette aventure, Frédéric Chef, on ne l'a pas menée exactement jusqu'au bout comme on l'envisageait. L'idée, c'était d'arriver, donc après le confluent Marne-Seine à Charenton-Alfortville, jusqu'à les travamonts de l'île Saint-Louis. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Ben oui, parce que il me semble qu'on avait une espèce de lassitude, on était un peu fatigué, puis il y avait une journée où bon, on s'était fait doubler en Seine-et-Marne par un yacht, et puis c'était trois types qui étaient dessus. un certain âge, et puis qui nous propose tout simplement de nous remorquer. Et puis, on se dit après... Alors là, on a une hésitation, on se dit, est-ce qu'on va pas faire une infidélité à notre projet d'origine? Et puis, la chaleur, la fatigue aidant, on se laisse remorquer, on nous tend une corde, on l'accroche devant. Et puis, y a eu une petite accélération du moteur quand ils ont redémarré. Et puis, en fait, ils nous ont renversés, quoi. Ils nous ont mis à l'eau, quoi. On a chaviré. Et puis, je me rappelle que vous avez eu un réflexe, celui d'aller rechercher tout de suite le canoë qui coulait. Qui embarquait de l'eau, c'est vrai. Qui coulait littéralement. Puis, on s'est quand même retrouvé tout habillé avec les chaussures, enfin, tout le. Habillé, à être obligé de nager et récupérer tout le matériel derrière qui partait, quoi. Et voilà, quoi. Et l'aventure a été stoppée net ici, quoi. On s'est aperçu que de toute façon, nos deux canaux étaient percés. Enfin, on pourrait pas continuer dans de bonnes conditions. Mais on a vu à quel point l'eau était claire et chaude. Oui. Et c'est là qu'on s'est retrouvé. Et c'est d'ailleurs, je me souviens qu'on s'est dit après coup, tiens, jamais on a pensé à prendre un bain dans la Marne. On était comme des marins bretons qui ne savent pas nager, quoi. On était sur l'eau, mais pas dedans. Alors, les trois types en question qui venaient de la ville d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, avaient l'habitude de remonter le cours de la Marne, depuis à peu près Nogent-sur-Marne, jusqu'à, je sais pas, enfin, ils allaient principalement en Seine-et-Marne. Ils comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi. C'était vraiment deux mondes qui se rencontraient, quoi. Alors c'était des pêcheurs qui taquinaient le goujon et qui tournaient au ricard, quoi. Il n'y avait pas d'autres mots. Ils avaient des bouteilles de ricard plein le yacht. Et petit détail comme ça, c'est aussitôt qu'ils avaient fini une bouteille de Ricard, ils l'achetaient à l'eau, quoi. Il y avait une espèce de déni de la nature qui était quelque chose d'absolument étonnant chez eux. Mais ils avaient un vrai sens de l'hospitalité. Mais des gens, évidemment, très sympathiques, avec qui on a mangé de l'anguille un petit peu avant Meaux, au bord du canal de Meaux à Chalifert. On a fait un petit feu de bois, on a cuit de l'anguille, et on a mangé de l'anguille avec eux le soir même. On a passé un moment extraordinaire, quoi. C'est encore une fois. Et là, c'était curieux parce qu'on avait rejoint le milieu urbain. Mais toujours au bord de notre chère Marne, quoi. Enfin, on n'avait pas trahi la cause quand même. Et puis ils nous ont lâchés le lendemain. À Nogent-sur-Marne, à quelques dizaines de mètres d'une maison qui n'existe plus, mais où la bande à Bonneau avait été arrêtée, sous le viaduc de chemin de fer qui enjambe la Marne à cet endroit-là. Il y a une piscine, il y a l'autoroute qui passe, enfin, il y a un bruit fou. Et voilà, notre aventure s'est arrêtée là. Et le canoë, d'ailleurs, n'a jamais été récupéré. Il a fini, je crois, dans les ateliers municipaux de la ville d'Aubervilliers. La banlieue m'intéresse moins, ça c'est vrai, mais ce qui m'a intéressé en revanche, c'est où s'arrête la ville. Où s'arrête la ville et où commence véritablement aux portes de Paris la campagne. J'ai essayé d'identifier l'endroit de la rupture. Il y a un moment là où c'est très net, là. Et les grands ensembles s'arrêtent là de manière brusque. Et moi, j'ai identifié cela du côté de Lagny, du côté de d'Enmar. Là, j'ai fait la connaissance de mon premier paysan, mon premier agriculteur. Là aussi, c'était une rencontre très intéressante parce que ce monsieur, en plus de ça, il a été dépossédé déjà de ses terres, puisque parce que la ville s'étend à cause de Disneyland. Oui, la maison où il est né se trouve, c'est un centre commercial. Donc il a reculé et puis là il commence à être attaqué par la ville. Alors il attend, hein, comme dans le désert des Tartares, il attend d'être. Ça va arriver. Parmi les rencontres que j'ai fait beaucoup de rencontres passionnantes. des pêcheurs. Bon, j'ai eu des pêcheurs. Pour un pêcheur, c'est un projet insensé. C'est une idée de Parisien, quoi. Hein? Parce que c'est ça aussi, c'est intéressant. J'ai rencontré une France qui ne va jamais à Paris et qui s'en trouve très bien. C'est bizarre. J'ai rencontré dans la Haute-Marne quelqu'un qui m'a dit cette chose. Monsieur, nous appartenons. Mais c'est beau la Haute-Marne, c'est loin de tout, avec ses forêts, ses champignons, cette belle rivière. Et j'ai mon jardin potager, nous sommes solidaires. J'appartiens, monsieur, au Carmont d'Heureux, me disait-il. C'est ce que je vais essayer de décrire dans ce livre. Toutes ces classes moyennes là qui sont aplaties par la crise, qui essaient de s'en tirer, qui ont la hantise du déclassement. Alors, comment sommes-nous arrivés à l'île Saint-Louis ? Alors, ben, l'île Saint-Louis, on y est arrivé en métro, je crois. Hein, tout simplement. Le lendemain, alors évidemment, on a créé beaucoup, beaucoup de déceptions. On avait des copains qui nous attendaient à la pointe de l'île Saint-Louis, en amont de l'île Saint-Louis. Et voilà, ils s'attendaient à nous voir arriver dans Paris intramuros, ce qui est pratiquement impossible. On n'aurait jamais réussi à faire ça, parce que de toute façon, la brigade fluviale nous aurait arrêtés, on était passible d'amende, on aurait été bêtement arraisonnés. Mais c'est vrai que symboliquement, il nous a manqué quelque chose, on le faisait aussi pour ça. Je crois qu'on descendait la Marne pour arriver jusqu'au confluent, le dépasser et entrer dans Paris. Quand on a fait ça, je n'avais pas dû lire encore le voyage de Stevenson sur Lescaut. Et les canaux du Nord. Et les canaux du Nord. Hein. Je pense à Lescaut parce que ça commence par Lescaut, la Schelde, puis ça se finit sur la Sambre et l'Oise. Vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Stevenson l'a fait au 19e siècle, dans le même but que nous, je crois, de lui, Stevenson disait que le dehors guérit. C'est vrai que ce genre d'aventure, c'est encore une fois, c'est le hasard, c'est l'aventure, c'est la liberté. Et, le hasard n'est jamais de mauvaise compagnie, quoi. Et Stevenson se souvient à la fin de sa vie avoir vécu cet épisode comme un des plus grands épisodes de sa vie. Bon, ça paraît anecdotique, mais finalement, on s'aperçoit que cette aventure-là, elle est hors du temps. C'est ce que Stevenson a connu, on l'a connu aussi à notre façon. Et on a fait du Stevenson sans le savoir. La fin de notre voyage. On est tombé en panne à Joinville-le-Pont, on a réparé une fois, deux fois. Nous avions parlementé avec le port autonome de Paris et après la confluence, nous avions eu le droit d'aller nous accoster hein, juste en amont de l'île Saint-Louis à Paris, près dans Paris, à la place des bateaux-bus, juste à côté du Jardin des Plantes, donc sur la Seine. Et on a failli ne pas y arriver, on est retombé en panne au niveau de la Grande Bibliothèque, dans un froid glacial. Et finalement, miracle, nous sommes arrivés où beaucoup de gens nous attendaient le soir. Mais il faisait nuit, on est arrivé à 9h30 du soir le long du Jardin des Plantes. Donc voilà, et pour terminer, comme quoi il y a quand même des signes. Le lendemain donc, de cette arrivée, nous sommes repartis. Donc pour nous, c'était fini, on ne filmait plus, on arrêtait. Simplement, la péniche repartait à son port d'attache, qui était Mareuil. Et notre péniche est tombée en panne à la sortie, enfin juste avant le tunnel de Saint-Maur. Et ça a été la panne définitive. Donc l'aventure, heureusement, s'est remarquablement passée, puisque jusqu'au bout, mais à un jour près, c'était fichu. Et ma rivière, approchez, écoutez. Marin d'eau douce sur la Marne. Frédéric Scheff a publié Géographie sentimentale au Pythagore et La Marne au diable aux éditions du Coq à l'âne. Le livre de Gérard Rondeau, avec photographie et transcription des entretiens filmés sur sa péniche, s'intitule Marne, la grande rivière et est paru aux éditions de La Nuée Bleue. Le livre de Jean-Paul Kaufmann sur la Marne paraîtra ultérieurement chez Fayard. Bibliographie et liens sur franceculture.com. Attachée de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Prise de son Pierre Comon et Yvan Turc. Mixage Manuel Couturier. Sur les docks, Isabelle Huel, Olivier Chaumel. Pêcheurs, mariniers, promeneurs, déchireurs ou malfrats, LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens replay et podcast pour la navigation, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et la semaine prochaine, France Culture fait sa rentrée et LSD vous emmène en 1989 quand le bloc de l'Est s'est effondré. Mais tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.